scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, Inter, Paul Sarrez, actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1966, deuxième émission. On le sait, vous le savez, l'année 1966 fut riche en événements importants ou futiles. L'affaire Ben Barka a éclaté à la fin de l'année précédente et elle est loin de se terminer. La France se retire de l'OTAN, les représentations des paravents de Genève sont interrompues chaque soir violemment par des manifestants d'extrême droite. André Breton meurt, mais l'émission télévisée de Michel Drucker, Tilt, donne aux habitants des villes et des champs l'occasion de choisir ses chouchous dans la variété française. On y reviendra. Et mieux, on écoutera quelques titres du tout dernier Olympia de Brel et quelques titres d'un récital à Bobino de Barbara. Et puis, comme chaque année, le cinéma raconte la vie des Françaises ou des Français, ou se penche sur le passé. Il est des films qui racontent l'histoire avec un grand H, les héros ont vieilli, des comédiens les incarnent. Des films utiles, dira Chaban-Delmas dans le reportage qui suit. On ne saurait raconter les années 60 sans faire entendre Jacques Chaban-Delmas. Et maintenant, venons-en donc à Paris brûle-t-il. Beaucoup de ceux et de celles qui ont participé à la libération de Paris sont toujours parmi nous, et certains d'entre eux occupent des postes très importants. On s'est donc trouvé dans la situation d'avoir à représenter sur l'écran des ministres, des ambassadeurs, des officiers de haut rang, et de choisir des acteurs susceptibles de les incarner tels qu'ils furent il y a 20 ans. C'est ainsi que nous voyons dans leurs activités de résistants, et à une heure cruciale, Jacques Chaban-Delmas, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, Edgar Pisani, aujourd'hui ministre de l'équipement, et le colonel Roll, et le commandant Roger Gallois, et M. Parodi, et M. Moranda. On eut l'idée l'autre jour de réunir ces personnalités et les acteurs qui jouent leur rôle dans le film de René Clément. Ce fut pour ces hommes qui contribuèrent si efficacement à libérer Paris, une émouvante occasion de se retrouver, de rappeler des souvenirs de ces jours exaltants, terribles et merveilleux. À ces retrouvailles, 21 ans après, M. Jacques Chaban-Delmas prononça quelques mots. Voici ce qu'a dit à ses camarades le président de l'Assemblée nationale. Nous ne nous voyons jamais comme nous sommes. Pas même devant une glace. Dans l'instant. Alors 20 ans après, il est bien évident que nous ne pouvons que nous voir très différent de ce que nous étions. Et au demeurant, cela finalement n'a pas grande importance. Car nous, nous sommes le passé. Nous avons cru, à certains moments, où nous étions spécialement pleins de nous-mêmes, nous avons pu croire que nous avions un peu participé à la confection de l'histoire. Mais depuis que nous avons vu ce film, nous savons qu'il n'en est rien. En ce sens que maintenant, nous avons été gommés, effacés totalement par ceux qui nous représentent. Il n'y a plus de Chaban-Delmas, il y a Alain Delon, il n'y a plus de Parodi, il y a Pierre Dux, etc., etc. Je dois dire que pour ma part, je n'ai pas trouvé que j'avais perdu au champ. Oui, naturellement. J'ai dit tout à l'heure que je n'avais jamais rêvé d'être aussi joli garçon, mais que j'avais un côté plus joueur de rugby. Enfin, voilà sur le plan, je crois, des hommes et des acteurs. C'est eux dorénavant qui comptent, et nous nous sommes définitivement effacés, et après tout, nous le prendrons de fort bonne grâce. Deuxième constatation, celle-là beaucoup plus sérieuse. Elle touche à l'édification de l'opinion publique. Elle touche à l'information, dans le sens le plus élevé. Et je crois, là, mon cher Président, et je le dis à René Clément, il sait quelle sympathie amicale j'ai pour lui depuis longtemps. Il sait ce que nous pensons de lui les uns et les autres, comme l'un de nos grands metteurs en scène, et sans forcer les termes. Enfin, je passe, très vite. Et je crois que ça va être un film utile. Un film utile parce que c'est un véritable document. Et c'est un document qui fait apparaître cette histoire de la libération de Paris sous un jour équilibré, qui me paraît d'abord véridique, ce qui est tout de même très important du point de vue de l'histoire, et très engageant. Et engageant notamment pour les jeunes. Il est bon que les jeunes, de France d'abord, d'ailleurs ensuite, sachent que cette libération de Paris a été le fruit de la conjugaison d'efforts, ceux d'abord du peuple de Paris, à l'appel de ses chefs, des chefs de la résistance, puis la conjugaison avec les armées alliées, et précisément dans les armées alliées, la deuxième DB de Leclerc, les Français. Si bien que il y a une médaille complète. Et j'ajoute que cette libération s'est faite sans que Paris ne fût cassé, sans que Paris ne brûlât. Ce qui, je dois le dire, 15 jours ou 3 semaines avant que les événements se produisissent de cette manière, était à peu près inimaginable. On peut par conséquent parler de deux miracles en ce qui concerne Paris. Il y en a eu un qui était connu, le malheureux Attila, n'est-ce pas, a eu de gros ennuis avec une faible femme, qui au nom de Dieu avait dressé sa face en direction de l'Est. Et il est reparti tout penaud. Bon, c'est le premier miracle. Il est connu, répertorié. Mais je crois qu'il faudra que dans l'avenir, on admette qu'il y a eu un deuxième miracle, qui a été celui que nous avons vécu, dont nous avons été les protagonistes, chacun comme il a pu, et chacun avec sa bonne volonté. Et cela me paraît devoir être d'une grande utilité pour précisément non seulement l'information, mais la formation de la jeunesse. Cela dit, comment ne pas vous remercier de nous avoir permis de nous retrouver les uns et les autres. Nous nous voyons peu. Nous nous voyons peu parce que la vie est ainsi faite, elle est bête, la vie. Chacun le sait. Elle est à la fois admirable, inimaginable, précieuse, extraordinaire, et puis elle est bête. Alors on ne se voit pas. Mais quand nous avons l'occasion de nous rencontrer, alors nous sommes heureux, profondément heureux les uns et les autres. Et de cela nous vous savons gré. Je crois, j'espère, mes chers camarades, mes amis, que j'ai exprimé à peu près vos sentiments. Je l'ai fait d'une façon un peu malhabile, avec toute ma timidité, cette espèce d'insuffisance qui s'attache à mes propos. Et simplement, je vous demande de mettre mon bafouillage sur le compte d'une émotion qui ne doit rien qu'au cœur. Quelques jours plus tard, coïncidence. Le général allemand von Scholtitz est mort ce matin à l'âge de 71 ans. Il fut le dernier commandant allemand de Paris qui refusa de faire sauter Paris. Paris, c'était en effet pour Hitler une sorte de Stalingrad. Dans son esprit, les Allemands devaient se faire tuer jusqu'au dernier dans les rues de la capitale. Et von Scholtitz, fidèle jusque-là au Führer, dont il ne discutait jamais aucun ordre, désobéit pourtant. Dominique Lapierre, Larry Collins et René Clément racontait récemment au micro d'Interactualité ces heures difficiles de von Scholtitz qui revit actuellement sur l'écran dans Paris brûle-t-il. Von Scholtitz n'a jamais plus oublié, il s'était d'ailleurs confié récemment à Pierre Wien. Adolf Hitler war fürchterlich. Er war fürchterlich. Er beherrschte sich nicht mehr. Hat mir tolle Sachen gesagt. An dem Tage, wo ich bei ihm war. Wo er sich nun so ganz gehen ließ, war er unerträglich. Adolf Hitler était effrayant, dit von Scholtitz. Il était effrayant. Il ne se contrôlait plus. Il m'a dit des choses insensées. Il fut intolérable. Paris doit être défendu, ordonne le Führer. L'ennemi ne doit trouver qu'un champ de ruines. Den Befehl hat er schriftlich gegeben. Er hat einen Befehl gegeben, Paris zu zerstören. Détruire. L'ordre, il me l'a donné par écrit. Détruire Paris. Von Scholtitz sait que sa famille répondra de son obéissance. Ses deux filles, son fils, sa femme, sont désormais des otages entre les mains d'Hitler. Das habe ich gewusst. Das habe ich gewusst. Das stand mir bevor. Es wäre natürlich sehr unangenehm gewesen, wenn ich verhaftet wäre. Ich würde doch zurückgemacht werden. Aufgehängt. Ja. Schadlos. Oui, Cela, je le savais, dit von Scholtis. Je savais que cela me menaçait. Si j'avais été mis en prison, j'aurais été exécuté, pendu. Oui, sans doute, pendu. Dominique Auclair avait bien connu cet ancien officier d'Hitler, qui avait été page de la reine de Saxe et beaucoup plus tard officier de la Wehrmacht sur le front russe. Elle dit ce que désobéir fut pour von Scholtis. Il ne faut pas oublier que pour n'avoir pas obéi à Hitler, il avait risqué sa vie et celle de sa famille. Mais il ne tirait aucun orgueil de sa désobéissance militaire, qui avait même posé des problèmes graves à sa conscience. Il disait « C'est un acte que je ne pouvais pas commettre, un crime que ma conscience n'aurait jamais accepté, même sans M. Tettinger, président du conseil municipal, même sans M. Nordling, consul de Suède, jamais, jamais je n'aurais pu faire pareille chose. Seulement, il fallait gagner Hitler de vitesse, il fallait que les alliés arrivent avant qu'on ait eu le temps de me remplacer. » Son souvenir le plus pénible était celui du moment où, ayant libéré les trois grands résistants qu'on allait fusiller, Alexandre Parodi, Émile Lafon et Roland Prêt, il les vit refuser la main qu'il leur tendait. Il se croyait leur égal, de soldat à soldat. Eux n'avaient pas compris ce qu'ils risquaient. En me racontant cette histoire, il avait pâli. Sa truculence, sa joie de vivre était comme sectionnée. Alors, il n'était plus qu'un pauvre vieil homme, un ex-général en civil, un méconnu, un oublié. Von Scholtis n'avait jamais été un tendre. Il avait cependant sauvé Paris, surtout avec le peuple de Paris. A woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. The dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. And a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. One little thing without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. La radio rend compte des morts récents. Elle aime aussi célébrer les vivants, très connus et âgés, ou les anniversaires. Et elle affectionne les micro-trottoirs, grâce auxquels nous voyons quasiment les personnes rencontrées dans la rue. Picasso a fêté mardi ses 85 ans. Et le 18 novembre prochain doit s'ouvrir au Grand et au Petit Palais la plus importante rétrospective jamais faite sur Picasso, sur sa vie et sur son œuvre. Eh bien, en avant-première, aujourd'hui, nous allons donc essayer de présenter le phénomène Picasso. Dans nos studios, Madame Hélène Parmelin, auteure de plusieurs ouvrages sur Picasso, Monsieur Jean Lémarie, professeur d'histoire de l'art à l'Université de Genève et organisateur de l'exposition Picasso, et le peintre Édouard Pignon. Vous savez qu'au premier étage de la maison de l'ORTF se tient en ce moment l'exposition Art, matière première, dans laquelle sont abordés les problèmes de l'art et des enfants. Monsieur Lémarie, Picasso est-il sensible aux dessins des enfants ? Picasso adore les enfants, il adore les dessins d'enfants, mais naturellement il n'a jamais dessiné comme un enfant, même lorsqu'il était enfant, il a toujours dessiné comme un génie. Avant toute chose, je crois qu'il est indispensable de savoir ce que le grand public pense de Picasso. Et d'abord, s'il le connaît. Dominique Darzac a mené l'enquête dans la rue et a posé sa première question, tout simplement, qui est Picasso ? Picasso, c'est un peintre. Ah là, alors, pas du tout. Oui, c'est un peintre, mais... C'est un artiste. Qui ne connaît pas Picasso ? On dit qu'il fait de la peinture. Personnellement, je ne suis pas assez qualifié pour vous dire ce qu'il fait. Je ne m'y connais pas assez dans la peinture en tableau, quoique je sois peintre en bâtiment. Picasso, qu'est-ce que c'est déjà ? Je ne sais plus. Picasso, ben, c'est un peintre, tout simplement. Un cubiste abstrait, mais moi, je n'aime pas ça. Figuratif plutôt. Maintenant, je ne sais pas, il a pu changer de... Mais enfin, figuratif, si vous... Ce sera plutôt tout ce qu'il y a d'abstrait pour moi. Et en peinture à l'eau et un peu mélangé à l'huile. Vous le voyez, madame, messieurs, ce n'est pas la peine de sourire. Le nom de Picasso est donc assez connu. Mais connaît-on son œuvre ? C'est la deuxième question posée et à une dame d'abord. Guernica ? Les autres noms, je ne sais pas, mais enfin, il y a l'Arlequin, la famille, une femme qui pleure avec son enfant. Oui, par exemple, le grand nu qu'il y a eu qu'on a vu à l'exposition Paul Guillaume il n'y a pas longtemps, ou alors Guernica. Et peut-être pas les noms, mais je connais son petit musée de Vence et puis de près de Perpignan, Collioure. Ses poteries surtout, j'apprécie surtout ses poteries. Je ne les ai pas en tête tout de suite, vous savez. Eh bien, à part Guernica, c'est évident, le public a du mal à citer d'autres noms de tableaux. Et au fait, aime-t-on vraiment Picasso ? Peut-être au début, ce qu'il a fait. Maintenant, pour vous dire franchement ma pensée, je crois que c'est de la fumisterie. Je ne m'y intéresse même pas. Oui, très bien, c'est très bien, c'est très intéressant, c'est évident, naturellement. Je trouve qu'il a un énorme talent dans son genre. Dans ce qu'il fait, il est tout de même très supérieur à beaucoup d'autres. Et de cette école, enfin, quand c'est du cubiste, il est meilleur cubiste que les autres cubistes. Quand il fait du surréalisme, c'est meilleur, enfin, c'est toujours bien. Je l'aime beaucoup, mais enfin, je le considère plutôt intellectuellement comme une grande étape ou une chose comme ça, mais je ne l'aime pas spontanément, peut-être. Moi non plus, pas du tout. Oh, j'ai horreur du Picasso. Certainement depuis 10 ou 15 ans, c'est une histoire plus ou moins commerciale. Et c'est un peu dommage parce qu'il a galvaudé son art. Car c'est certainement un grand artiste. Oui, ah oui, ah ben d'abord, toutes les fois que je peux aller le voir, j'y vais. Parmi les peintres modernes, j'ai deux grandes admirations. D'une part, c'est Picasso, d'autre part, Salvador Dali. Ils sont totalement opposés, bien entendu, mais Picasso, bah, c'est toute la peinture moderne. Enfin, à travers toutes ces époques, c'est tout... C'est indiscutablement lié à tout l'art contemporain, enfin aussi bien la littérature que la peinture, que la sculpture. Et puis Picasso, c'est surtout un personnage un peu plus sympathique, enfin en lui-même. Ainsi, il apparaît qu'on aime finalement assez Picasso, bien qu'il soit très discuté. Et puisque le nom de Dali a été prononcé, voici ce que Dali pense de Picasso. Je crois que l'Espagne a l'honneur de posséder toujours... les êtres les plus paradoxaux et d'offrir les plus grands contrastes et les êtres les plus opposés. Par exemple, le plus grand génie de l'architecture, Gaudi, que c'est l'apothéose du mauvais goût, et l'apothéose du bon goût, que c'est Velázquez. Et d'un autre côté, Picasso, que c'est le génie viscéral, aveugle, total, le plus visqueux, le plus sublime de tous, dionysiaque, mais en même temps démoniaque, et celui de plus angélique qui s'appelle Salvador Dali, votre humble serviteur. Et nous revoici pour la dernière fois de la soirée à Douai, où maintenant nous avons des résultats complets, où je le pense. À l'instant même, nous avons appris que 3 personnes ont seulement classé les 4 premières chansons dans l'ordre, c'est-à-dire Adamo, Mireille Mathieu, Sheila et Michel Polnareff. Aucune d'entre elles ayant trouvé la 5e chanson qui était Le Temps des Pleurs par Claude François, ces 3 personnes sont ex aequo. Alors, comment allons-nous faire pour les départager et pour trouver le vainqueur final qui va gagner 10 000 francs nouveaux? Eh bien, nous allons avoir recours à la question subsidiaire. Quelle était cette question subsidiaire? Il fallait essayer de trouver, approximativement bien sûr, le pourcentage d'habitants de Douai ayant participé à ce jeu. Alors, c'était pas mal. Ça ne fait rien. Ce pourcentage, quel est-il? ?15%. Voilà. Il y a une personne à Douai qui a approché, il faut l'avouer, ce chiffre de 15%. Ce monsieur s'appelle Daniel Lavray, il habite 5 rue de la Tour des Dames à Douai. Ce monsieur se trouve dans la salle, je pense. Et nous l'invitons maintenant à gagner cette scène. Il est d'ailleurs accompagné dans sa ruée vers l'or par la fanfare de Douai. On chantait beaucoup dans les années 60, si si, parfois on traduisait même les Beatles en français, ce qui donnait l'occasion à la majorité des auditeurs de comprendre les paroles. Était-ce nécessaire? Démonstration par une invitée de l'émission Spectacle de Paris. Toi et moi, on est si bien ensemble. Oh Michel, Michel et Daniel sont deux noms qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, et toute la journée je ne pense qu'à toi, en attendant l'heure où chaque jour tu viens me chercher. Michel et Daniel sont deux noms qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, et j'ai besoin de toi. Je n'ai que ces mots-là pour te faire comprendre tout ce que j'ai en moi. Oh Michel, je t'aime tant. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je ne pense qu'à toi. Pourtant les gens m'ont dit de me méfier de toi, car tu n'es pas ce que je crois. Michel, Michel, toi et moi, on est si bien ensemble. Oh Michel, tous ces gens sont des menteurs, ils sont jaloux de nous. Oh Michel. Souvenez-vous, ou rappelez-vous avoir lu ceci. Il y eut d'une part et en première salve les élucubrations d'Antoine. Tout devrait changer tout le temps, le monde serait bien plus amusant, on verrait des avions dans les couloirs du métro et Johnny Hallyday en cage à Medrano. Sic. Réponse de l'intéressé. Si M. Kennedy aujourd'hui revenait, ou si M. Gandhi soudain ressuscitait, il serait étonné quand on leur apprendrait que pour changer le monde, il suffit de chanter dam dam dam dam dam dam dam dam et surtout avant tout d'avoir les cheveux longs. l'histoire des idées n'a pas oublié cette violente querelle née en 1966. Mais, aux surprises, il y avait eu une réponse à la réponse, ou plutôt un complément. De haute tenue, ça s'appelait les contre-élucubrations problématiques. Toujours dans l'émission Spectacle de Paris, Antoine et le groupe Les Problèmes. 1966, quelle riche année! Antoine, fais-te couper les cheveux. T'aurais mieux fait de le faire, tu serais beaucoup mieux. Comme ça, on serait les seuls à se faire remarquer. On serait les seuls à élucubrer. Nous, on se fout pas mal de ton goût pour les fleurs. On porte depuis longtemps les chemises de nos sœurs. Nous ferons ce qu'il faut pour être les premiers. Ta cage est déjà réservée. Moi qui avais déjà tant d'ennuis, les problèmes se mettent à m'entrer. Avec leurs cheveux longs, on dirait des filles, ils me font rire. Hé hé hé, personne ne rire. Hé hé hé. Ta mère t'a dit, on te fait te couper les cheveux. J'aurais mieux fait de faire, il serait beaucoup mieux. Comme ça, on serait les seuls à se faire remarquer. On serait les seuls à élucubrer. Se vendre en haut lieu où tu les impressionnes un peu. Vous pourrez bien me chambrer, mais si vos mères avaient connu la pilule, vous ne seriez pas là à me casser les pieds. Laissez-moi rire. Hé hé hé. Hé hé hé. Ta mère t'a dit, on doit faire te couper les cheveux. T'aurais mieux fait de faire, tu serais beaucoup mieux. Comme ça, on serait les seuls à se faire remarquer. Vraiment, vous me décevez. Moi qui suis si désintéressé, laissez-moi rire. Quittons quelques instants le spectacle, on y reviendra, pour la Chine, où en 1966 a lieu la révolution culturelle. Mademoiselle Anne-Marie Carmentrez vient de faire un voyage touristique en Chine. Les échos de ce voyage viennent d'ailleurs de paraître dans un numéro de Paris Match. Nous lui avons demandé de nous faire part de quelques-unes des impressions de ce voyage. Votre voyage s'est déroulé en deux phases, si j'ai bien compris. L'une se passa au début d'août. Et après un bref séjour à Hong Kong, vous êtes retourné en Chine, d'où vous êtes reparti à la fin d'août. Il me semble que le point intéressant pour nous, c'est de faire le contraste entre ces deux périodes, l'une avant la crise révolutionnaire et l'autre qui lui a en somme succédé ou qui est arrivée en plein pendant le déroulement de cette crise. Anne-Marie, quelles furent donc d'abord vos impressions lors de votre premier contact avec la Chine ? Eh bien, lors du premier contact, on a eu une impression assez merveilleuse parce que les Chinois sont des hôtes absolument parfaits. Ils nous appellent les amis étrangers. Nous avons vraiment l'impression que nous sommes des amis étrangers, que ce n'est pas seulement une formule de politesse. Ils nous sourient. Quand on leur sourit, ils nous rendent nos saluts et tout ça a l'air d'être très spontané. Et je dois dire qu'on se sent bien en Chine parce qu'on a l'impression que les gens sont contents de nous voir. Alors, les guides, vous rendaient des petits services, vous expliquaient les choses. Oui, les guides étaient absolument charmants. Enfin, ils ne disaient que ce qu'ils voulaient dire, bien entendu. Lorsqu'on leur posait des questions peut-être un peu trop précises, ils les élucidaient. Mais enfin, ils étaient absolument charmants. Partout où on est allé en Chine, on a été reçus très, très gentiment et remarquablement. Donc, votre voyage s'est déroulé, si je comprends bien, du nord d'abord, de Pékin, puis oui. Nankin. Oui, c'est exact. Nous sommes allés, nous avons fait la Chine du nord au sud. On est arrivé à Pékin, nous sommes ensuite allés à Nankin, à Shanghai, à Hangzhou, à Canton. On vous a montré beaucoup d'usines. On nous a montré, oui, on nous a montré beaucoup de communes populaires, beaucoup de cités ouvrières, beaucoup d'usines, parce que les Chinois sont très fiers de leur réalisation et ils nous abreuvent de statistiques. Ça, avant la révolution, voilà comment c'était. Voilà maintenant ce qu'on obtient grâce à notre président Mao Tse-tung. Vous avez vu des crèches modèles ? Nous avons vu, oui. Nous avons entre autres visité, ce qui est assez curieux, le palais des pionniers de Shanghai. Et on voit comment les enfants sont élevés, dans quel esprit communiste ils le sont de l'âge de 9 ans à 15 ans. Et les enfants chinois ont dû vous frapper par leur gentillesse, leur oui, beauté. Oui, d'abord, ils nous ont frappés par leur nombre, parce que les enfants chinois, ça pullule, il y en a dans tous les coins, il y en a des millions. Et ensuite, ils sont effectivement très gentils, ils sont un peu intimidés au départ, ils nous regardent un peu intrigués. Et puis ensuite, il suffit qu'on leur fasse un signe pour qu'immédiatement tous les visages se détendent. Et les gosses nous suivent par milliers et attendent qu'on les amuse. D'ailleurs, il n'y avait pas que les gosses. On était suivis dans toute la Chine par des milliers de gens, essentiellement des enfants ou des gens un peu plus âgés. Les gens qui ont entre 20 et 30 ans nous regardent amicalement, mais par contre ne nous suivent pas. On n'a pas l'impression qu'ils ont le temps de nous suivre. Et dans l'ensemble, vous avez eu l'impression donc que cette foule était amicale. Avez-vous eu l'impression qu'elle était gaie, joviale? Oui, ça c'est une chose qui m'a beaucoup frappée. Les enfants m'ont paru très heureux. Les enfants m'ont paru heureux et bien portants. Ça, c'est assez curieux. Et les personnes plus âgées ? Les personnes plus âgées, ce sont celles qui m'ont fait la plus drôle impression. Si vous voulez, en général, les vieilles femmes ont une drôle d'allure. Elles se tiennent de façon curieuse. Elles sont en haillons. Enfin, c'est pas... Ils vous ont paru tristes. Oui, oui. Regrettant peut-être plus misérable. Plus misérable, oui. Et après donc quelques jours passés à Hong Kong, vous êtes revenu en Chine. Après, oui. Si je comprends bien... La fameuse réunion du 18 août qui a marqué le début de la révolution culturelle mise à l'échelon des gardes rouges. Oui, voilà. Alors déjà, avant de partir pour Hong Kong, c'était vers la mi-août, j'avais remarqué dans toutes les rues des villes chinoises des manifestations. Alors c'était des défilés, des cortèges très calmes, où les gens portaient à bout de bras des milliers de portraits de Mao Tse-tung, des milliers de drapeaux de toutes couleurs, et ces gens étaient soit silencieux, soit ils hurlaient tous ensemble des slogans. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Alors j'ai interrogé les guides, ils m'ont dit ce sont des manifestations d'étudiants, c'est tout, je n'en savais pas plus. Donc j'avais déjà vu beaucoup depuis Hangzhou, je crois, ou même depuis Nankin, déjà des défilés au début du mois d'août. On est resté à Hong Kong quatre jours, et lorsqu'on est rentré, les défilés étaient toujours là, au son d'une musique absolument terrifiante sur la fin, parce que c'est une musique qui est faite d'un gong, d'un tambour et d'une cymbale, c'est assez lugubre. Oui, là, ils n'ont pas détruit la tradition sur ce point. Et alors les Chinois défilaient sur cette musique, les cortèges étaient plus nombreux, les meneurs de ces cortèges paraissaient plus violents, les gens des cortèges ne nous regardaient plus comme Malala ne nous faisait plus de signes amicaux. Et alors, dans toutes les villes de Chine, tout était changé. Il y avait des milliers d'affiches de toutes couleurs partout. Oui, on vous a traduit la teneur de quelques-unes de ces affiches. Oui, alors certaines étaient des pensées de Mao Tse-tung et d'autres étaient des ordres de gardes rouges. Alors j'ai demandé ce que c'était que ces gardes rouges. On m'a dit ce sont les meneurs de la révolution. Ah, j'ai dit donc il y a une révolution, quelle est-elle? Et on m'a dit c'est une révolution culturelle menée par les jeunes et par les étudiants. Et les gardes rouges sont les meneurs de cette révolution. Et pourquoi ont-ils détruit ce passé? Car enfin Mao Zedong lui-même est un lettré. Oui. Pourquoi donc cette haine contre le passé? Eh bien, c'est super étonnant. Oui, c'est effectivement assez étonnant quand on a constaté, par exemple, à Pékin, que dans le jardin impérial, on maquillait absolument toutes les peintures anciennes. Quand j'ai vu des sculptures sur les murs extérieurs de bâtiments cassés à coups de pioche, et quand j'ai vu surtout des échafaudages, des tréteaux sur lesquels étaient exposés des bouddhas, des livres, des fresques, j'ai demandé ce qu'on allait en faire de ces vieilles choses, et on m'a dit que c'était des objets de superstition, que ça devait disparaître, qu'on allait les brûler en public. Alors là, j'ai demandé aux guides ce qui se passait et ils m'ont dit qu'il fallait absolument faire disparaître de la ville, enfin de toutes les villes de Chine, des idées bourgeoises et des idées féodales. Et ça, c'était essentiellement pour les enfants qui ne devaient pas, en voyant ces images un jour, se rendre compte que peut-être il y avait d'autres choses mieux. Enfin, on ne m'a pas dit tout à fait ça, mais je pense que c'est ce qu'on a voulu dire. Donc, ils ont peur des séductions de l'ancien régime. Absolument, oui. Je pense qu'ils ont peur qu'un jour, les enfants, en voyant de vieilles gravures, de vieilles images, se disent au fond, au temps des féodaux, c'était pas si mal, c'était plus joli, fasse une comparaison. Ils ont très peur de ça. Je crois qu'ils prennent en exemple dans tout leur quotidien les Russes. Et ils prétendent que les Russes se sont écartés de la voie socialiste et c'est ce qu'ils veulent absolument éviter en Chine. Oui, ceci me rappelle un souvenir d'enfance, un vieux surveillant qui maquillait les pages d'art du dictionnaire Larousse pour que les élèves n'aient pas de mauvaises pensées. Voilà, c'est quelque chose de ça, ce genre. Oui, il ne faut pas que les enfants puissent avoir une idée de ce qu'on ne veut pas leur montrer. Et vous avez dit que ces manifestations étaient très violentes. Vous avez été personnellement témoin de plusieurs sévices. D'abord, j'ai vu devant la cité interdite des Chinois armés de pioches et de marteaux cassant des sculptures ou décelant des lions de pierre. Ensuite, j'ai vu des hommes molestés dans la rue. Par exemple, j'ai vu un jour un Chinois, tous les hommes molestés étaient environ d'une cinquantaine d'années et leur bourreau avait 20 ans. Et ce Chinois était debout dans la rue, on le faisait avancer à coups de fouet. Il avait les mains liées derrière le dos, il était couvert de poussière. Sur la poitrine, il y avait une pancarte. Il était inscrit, enfin on me l'a dit après, qu'il avait un esprit bourgeois, enfin quelque chose comme ça. C'était son crime. Ce Chinois, je ne sais pas ce qu'on en faisait, on le molestait en pleine rue. J'ai vu aussi une gamine de 15 ans battre une femme âgée, entrer dans sa maison, en ressortir en brandissant un portrait de famille, lacérer le portrait de famille tel que j'avais vu lacérer des Bouddhas le matin, jeter le portrait à terre et la fille se retournait vers la vieille femme, lui tirait les cheveux, la bousculait et hurlait quelque chose à la foule et toute la foule reprenait. Donc c'est tout un passé qui doit disparaître pour repartir à zéro. Absolument. Ils ont d'ailleurs, dans un livre de propagande que j'ai rapporté, ils disent que la révolution culturelle doit détruire de fond en comble tout ce qui a existé, tout ce qui a été créé par les féodaux et que sur des bases absolument vierges doit se recréer l'art du prolétariat. Bien, je crois que vous êtes fortuné d'avoir pu voir cela. Vous êtes probablement un des derniers étrangers qui a pu encore voir l'ancienne Chine, je crois que maintenant tout va disparaître. Oui, je crois que j'ai eu beaucoup de chance, mais je dois vous dire aussi que quand j'ai quitté Pékin à la fin du mois d'août, c'était avec un certain soulagement, parce que tous ces Chinois amicaux et gentils que j'avais connus avant mon départ pour Hong Kong étaient complètement changés, et même les enfants ne nous souriaient plus. Quand on essayait de faire un signe vers eux, ils s'en allaient effrayés. Donc ces Chinois, visiblement, ne nous aimaient plus du tout. Pour eux, on avait repris notre visage blanc de sale bourgeois, et la révolution les avait complètement retournés à notre égard. Et c'est soudain des regards assez hostiles qu'on est parti de Pékin à la fin du mois d'août. On ne peut plus maintenant rêver d'être marin pour faire le tour du monde. Une reine avant nous a vendu ses bijoux pour voir le nouveau monde. On est venu trop tard pour qu'un jour nos regards fassent une découverte. Dans un monde connu, rien n'étonne plus, on est venu à perte. Toi et moi, on ne peut plus maintenant rêver d'être marin pour faire le tour du monde. Le monde est trop petit pour calmer l'appétit des jeunesses qui grondent. On aurait tant voulu débarquer inconnu sur une île déserte. Un jour nous sommes arrivés, mais nous avons trouvé déjà la porte ouverte. Et le destin n'a pas voulu qu'une terre toute nue un jour nous soit offerte. On ne peut plus maintenant rêver d'être marin pour faire le tour du monde. Une reine avant nous a vendu ses bijoux pour voir le nouveau monde. On est venu trop tard pour qu'un jour nos regards fassent une découverte. Dans un monde connu, rien n'étonne plus, on est venu à perte. Toi et moi, on ne peut plus maintenant rêver d'être marin pour faire le tour du monde. Tous les Vasco de Gama, tous les Christophe Colomb en ont bouclé la ronde. Où sont-ils maintenant les vieux marins d'antan, dormis dans la toile? Ils sont montés haut dans le ciel, voir le Père éternel, patron des mille voiles. Les marins sont des rois déchus, retournés dans les nues, bousculer les étoiles. On ne peut plus maintenant rêver d'être marin pour faire le tour du monde. Une reine avant nous a vendu ses bijoux pour voir le nouveau monde. On est venu trop tard pour qu'un jour nos regards fassent une découverte. Dans un monde connu, rien n'étonne plus, on est venu à perte. Toi et moi, on ne peut plus maintenant rêver d'être marin pour faire le tour du monde. Et lorsque les regrets viennent me tourmenter, alors je te regarde. Tout au fond de tes yeux, la mer est toute bleue, et si je n'y prends garde, je m'y noie plus facilement que dans mille océans cachant les eaux profondes. Et lorsque doucement tu viens me prendre par la main, je fais le tour du monde. Lénier Scudero, le tour du monde, dans l'émission Spectacle de Paris. En 1966, on ne peut pas ne pas s'intéresser à un sportif aussi célèbre que Jazzy, qui avait perdu à Tokyo 2 ans plus tôt, mais qui gagne à Bucarest. André Bibal, la surprise donc, Michel Jazzy a accepté de venir à notre micro après sa victoire. Oui, vous savez qu'après sa victoire, Michel Jazzy a démarré à la fin de ce 5000 mètres, et il a passé irrésistiblement tous ses adversaires, et après cette victoire, il a bien voulu répondre aux questions que lui pose Max Boulois. Michel Jazzy, cette médaille, vous la vouliez, hein, beaucoup. Je crois que je n'ai jamais désiré de gagner une course comme aujourd'hui. Mais une course ne se passe jamais comme on le prévoit, et pourtant cela s'est passé exactement comme l'avait prévu Joe Maléja, qui nous a dit non, pas partir en 600, et Jazzy le suivra et le battra dans la ligne droite. J'étais persuadé que ça se passerait comme ça aussi. Est-ce que l'attitude de Mexer ne vous a pas surpris qu'il mène ainsi toute cette course? De toute façon, il était battu quand même, hein, et il a préféré sombrer, disons, en se montrant devant son public, déjà qu'il a participé aux 10 000 mètres et qu'il a eu la médaille d'argent. Y a-t-il un moment où vous avez eu une inquiétude dans la course? Non, absolument pas, aucun moment. Vraiment, vous êtes senti bien? Non, je me sentais très très bien. Jean-Luc voulait relayer à partir d'un kilomètre et je n'ai pas voulu. Je reste là, je suis très bien aujourd'hui. Michel Jazzy, c'est un homme que l'on voit tous les jours. Maintenant, donc, on va parler de vos projets. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? France-Russie? Je ne sais pas encore. Vous savez, pour partir à France-Russie, on nous demande de partir une semaine à l'avance. Et les voyages, ce n'est plus de mon âge. Tout au moins les voyages sportifs. Maintenant, les voyages d'affaires et... Bientôt, je vais devenir un homme normal et je voudrais quand même me sacrifier à ma famille un petit peu avant. Doit-on croire que vous allez décompresser maintenant? Vous allez partir en vacances avec votre femme? Disons que j'ai une semaine de voyage touristique, mais je m'entraînerai 1h30 par jour quand même. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que en France, on a une seule manie, c'est de vouloir des hommes hardcore. Et depuis quelques années, on m'avait un peu oublié, disons, comme bagarreur en course. Les gens oublient un peu que l'athlétisme n'est pas simplement... des tentatives pour des performances, et qu'aujourd'hui il faut quand même gagner parfois des courses. Et j'ai voulu surtout gagner aujourd'hui pour le montrer au public que je ne suis pas surtout qu'un homme de record. Je ne suis pas qu'un homme de record sur piste et sur scène. Quand doit-on quitter la scène, ou plus précisément le tour de chant? On a tous deux, trois raisons de vivre. Ce sont même pas des raisons, ce sont des alibis, je crois. Eh bien, je suis sûr que tous mes alibis vont s'effondrer au fil des années. Enfin, c'est obligatoire, ça. Ou alors, c'est que je ne vis pas vraiment, c'est que je triche, c'est que je me cache. Tout va s'écrouler, sauf ça. La chaleur, la tendresse des hommes, je crois que ça... Je mourrai, j'aurai encore ça. Je n'aurai plus que ça, sans doute, mais je l'aurai encore. Alors qu'il y a d'autres raisons. J'ai des petites raisons esthétiques et je commence à me douter qu'elles sont déjà bien bidons. Enfin, pas bidons, qu'elles sont bien fragiles. J'ai des raisons, mettons, parapolitiques. Je ne dirais pas politiques, mais parapolitiques. Et je les sens bien minces aussi. Tandis que les raisons de tendresse, ce ne sont pas des raisons. La tendresse, ce n'est pas une raison, c'est un besoin. Enfin, Alors ça, je crois que je mourrai. Même si je dois être tout seul et que je ne peux pas tenir la main de quelqu'un, je me tiendrai les mains moi-même pour faire semblant de mourir avec quelqu'un d'autre, enfin. J'ai l'impression. Les adieux au tour de chant de Jacques Brel, c'était à l'Olympia, c'était en 1966, et la radio, toujours l'émission Spectacle de Paris, diffusait sur France Inter ce dernier Olympia. Extrait, dont deux titres qui devaient figurer sur le disque Brel 67. J'étais bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que je traînais, madame, votre landau, jolie madame, dans les rues de Bordeaux. Mais tu as voulu que je sois ton amant, tu as même voulu que je quitte ma jument. Je n'étais qu'un cheval, oui, mais tu en as profité, par amour pour toi, je me suis déjumenté. Toutes les nuits, dans ton lit de satin blanc, je regrette mon écurie et ma jument. J'étais vraiment, vraiment bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que tu te foutais, madame, la gueule par terre, jolie madame, quand tu forçais le cerf. Mais tu as voulu que j'apprenne les bonnes manières, tu as voulu que je marche sur les pattes de derrière. Je n'étais qu'un cheval, oui, tu m'as couillonné, hein. Par amour pour toi, je me suis derriérisé. depuis toutes les nuits quand nous dansons le tango. Je regrette mon écurie et mon galop. J'étais vraiment, vraiment bien plus heureux avant quand j'étais cheval, que tu te promenais, madame, sur mon dos, jolie madame, en forêt de Fontainebleau. Mais tu as voulu que je sois ton banquier, tu as même voulu que je me mette à chanter. Je n'étais qu'un cheval, mais tu en as abusé. Par amour pour toi, je me suis variété. Depuis toutes les nuits, quand je chante, ne me quitte pas. Je regrette mon écurie et mes silences d'autrefois. Et puis, tu es parti. Radical, avec un zèbre mal rayé. Le jour, madame, où je t'ai refusé d'apprendre à monter à cheval, mais tu m'avais pris ma jument, mon silence, mes sabots, mon écurie, mon galop. Tu ne m'as laissé que mes dents. Voilà pourquoi je cours, je cours, je cours le monde en hennissant, me voyant refuser l'amour par les femmes et par les juments. J'étais vraiment, vraiment bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que je traînais, madame, votre landau, quand j'étais cheval et quand tu étais chameau. Tu habites rue de la Madone, une maison qui se déhanche, une maison qui tire-bouchonne et qui pleure à grosses planches. L'escalier colimaçonne, c'est pas grand, mais y a de la place. Tu habites rue de la Madone. Et moi, je viens pour le gaz. Tu as un boudoir plein de bouddha. Les bougies dansent dans le bougeoir. Ça sent bon, c'est sans histoire. Ça ruisselle de ta feta. C'est rempli de photos de toi qui sommeillent devant la glace. Tu as un boudoir plein de bouddha. Moi, je viens pour le gaz. Tu as un vrai divan de roi, un vrai divan de diva. Du porto que tu rapportas de la porte des lilas. T'as un petit chien et un grand chat, un phono qui joue du jazz. Tu as un vrai divan de roi. Je viens pour le gaz. Tu as des seins comme des soleils, comme des fruits, comme des reposoirs. Tu as des seins comme des miroirs, comme des fruits, comme du miel. Tu les recouvres, tout devient noir, tu les découvres et je deviens Pégase. Tu as des seins comme des trottoirs. Moi, je viens pour le gaz. Et puis chez toi, il y a le plombier, il y a le bedeau, il y a le facteur, le docteur qui fait le café, le notaire qui sert les liqueurs. Il y a la moitié d'un artilleur, il y a un poète de Carpentras, il y a quelques flics et puis la main de ma sœur. Et tout ça est là pour le gaz. Allez, c'est donc tous rue de la Madone. C'est pas grand, mais il y a de la place. Allez, c'est donc tous rue de la Madone. Et dites bien que c'est pour le gaz. Port d'Amsterdam, y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent.

table. Demain, c'est chez toi qu'ils iront se mettre à table. Ils savent que la gloire est éphémère, mais viennent se réchauffer à ma lumière. Qu'ils aillent porter leurs jambes, iront de gens en peu. Qu'ils portent ailleurs leur savoir-faire, leur belle manière. Sont vilains, sont pas beaux, sont ridicules. Bref, ils me font la tête comme une pendule. Ces amis inconnus que je n'ai jamais vus. C'est rapace. C'est rapace. Car ceux qui m'ont connu avant, je m'en rappelle. Au temps de l'eau et du pain noir, sans m'y rappelle. Ceux qui ont partagé leurs tartines beurrées et couché dans leur lit mes longues insomnies. C'est pas la peine de me chercher dans ma mémoire. Cela peut bien me revenir, c'est sans histoire. Qu'ils viennent aujourd'hui, peuvent paraître. Cela je saurais bien les reconnaître. Car cela ne sont pas des rapaces. Des rapaces. Ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Ils le savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était qu'une fois commence à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, à Göttingen. Nous, nous avons nos matins blêmes, la grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même. À Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent, et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne reviennent, le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre des armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. C'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait prendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. C'était les années 60, aujourd'hui 1966, deuxième émission. Document INA, Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune, Hervé Evanneau. Mixage Claire Levasseur, une émission de Philippe Garbi, réalisation Annie Douelle. À suivre, et d'ici là, à télécharger ainsi que les précédentes sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.